Chapitre 6. Mon oncle avait fait construire, sur les bords d'une jolie rivière qui baignait ses plantations, un petit pavillon de branchages, entouré d'un massif d'arbres épais, où Marie venait tous les jours respirer la douceur de ces brises de mer, qui, pendant les mois les plus brûlants de l'année, soufflent régulièrement à Saint-Domingue, depuis le matin jusqu'au soir, et dont la fraîcheur augmente ou diminue avec la chaleur même du jour. J'avais soin d'orner moi-même tous les matins cette retraite des plus belles fleurs que je pouvais cueillir. Un jour, Marie accourt à moi, tout effrayée. Elle était entrée comme de coutume dans son cabinet de verdure, et là, elle avait vu, avec une surprise mêlée de terreur, toutes les fleurs dont je l'avais tapissée le matin, arrachées et foulées aux pieds. Un bouquet de soucis sauvages fraîchement cueillis était déposé à la place où elle avait coutume de s'asseoir. Elle n'était pas encore revenue de sa stupeur qu'elle avait entendu les sons d'une guitare sortir du milieu du taillis même qui environnait le pavillon. Puis une voix, qui n'était pas la mienne, avait commencé à chanter, doucement, une chanson qui lui avait paru espagnole, et dans laquelle son trouble, et sans doute aussi quelque pudeur de vierge, elle avait empêché de comprendre autre chose que son nom fréquemment répété. Alors elle avait eu recours à une fuite précipitée, à laquelle, heureusement, il n'avait point été mis d'obstacle. Ce récit me transporta d'indignation et de jalousie. Mes premières conjectures s'arrêtèrent sur le sang mêlé libre avec qui j'avais eu récemment une altercation. Mais dans la perplexité où j'étais jetée, je résolus de ne rien faire légèrement. Je rassurai la pauvre Marie et je me promis de veiller sans relâche sur elle jusqu'au moment prochain où il me serait permis de la protéger encore de plus près. Présumant bien que l'audacieux, dont l'insolence avait si fort épouvanté Marie, ne se bornerait pas à cette première tentative pour lui faire connaître ce que je devinais être son amour. Je me mis, dès le soir même, en embuscade autour du corps de bâtiment où reposait ma fiancée, après que tout le monde fut endormi dans la plantation. Caché dans l'épaisseur des hautes cannes à sucre, armé de mon poignard, j'attendais. Je n'attendis pas en vain. Vers le milieu de la nuit, un prélude mélancolique et grave, s'élevant dans le silence à quelques pas de moi, éveilla brusquement mon attention. Ce bruit fut pour moi comme une secousse. C'était une guitare. C'était sous la fenêtre même de Marie. Furieux, brandissant mon poignard, je m'élançai vers le point d'où ces sons partaient, brisant sous mes pas les tiges cassantes des cannes à sucre. Tout à coup, je me sentis saisir et renverser avec une force qui me parut prodigieuse. Mon poignard me fut violemment arraché et je le vis briller au-dessus de ma tête. En même temps, deux yeux ardents étincelaient dans l'ombre tout près des miens et une double rangée de dents blanches que j'entrevoyais dans les ténèbres s'ouvrait pour laisser passer ces mots prononcés avec l'accent de la rage. « Tetango, Tetango, je te tiens, je te tiens. » Plus étonné encore qu'effrayé, je me débattais vainement contre mon formidable adversaire, et déjà la pointe de l'acier se faisait jour à travers mes vêtements, lorsque Marie, que la guitare et ce tumulte de pas et de paroles avaient réveillé, parut subitement à sa fenêtre. Elle reconnut ma voix, vit briller un poignard, et poussa un cri d'angoisse et de terreur. Ce cri déchirant paralysa en quelque sorte la main de mon antagoniste victorieux. Il s'arrêta, comme pétrifié par un enchantement, promena encore quelques instants avec indécision le poignard sur ma poitrine, puis, le jetant tout à coup, « Non !» dit-il cette fois en français. « Non, elle pleurerait trop !» En achevant ces paroles bizarres, il disparut dans les touffes de roseaux. Et avant que je me fusse relevé, meurtri par cette lutte inégale et singulière, nul bruit, nul vestige ne restait de sa présence et de son passage. Il me serait fort difficile de dire ce qui se passa en moi au moment où je revins de ma première stupeur entre les bras de ma douce Marie, à laquelle j'étais si étrangement conservée par celui-là même qui paraissait prétendre à me la disputer. J'étais plus que jamais indigné contre ce rival inattendu et honteux de lui devoir la vie. Au fond, me disait mon amour-propre, c'est à Marie que je la dois, puisque c'est le son de sa voix qui a fait seul tomber le poignard. Cependant, je ne pouvais me dissimuler qu'il y avait bien quelque générosité dans le sentiment qui avait décidé mon rival inconnu à m'épargner. Mais ce rival, quel était-il donc? Je me confondais en soupçons, qui tous se détruisaient les uns les autres. Ce ne pouvait être le planteur sans mêlée que ma jalousie s'était d'abord désignée. Il était loin d'avoir cette force extraordinaire, et d'ailleurs ce n'était point sa voix. L'individu avec qui j'avais lutté m'avait paru nu jusqu'à la ceinture. Les esclaves seuls dans la colonie étaient ainsi à demi vêtus. Mais ce ne pouvait être un esclave. Des sentiments comme celui qui lui avait fait jeter le poignard ne me semblaient pas pouvoir appartenir à un esclave. Et d'ailleurs, tout en moi se refusait à la révoltante supposition d'avoir un esclave pour rival. Quel était-il donc? Je résolus d'attendre et d'épier. Chapitre 7. Marie avait éveillé la vieille nourrice qui lui tenait lieu de la mère qu'elle avait perdue au berceau. Je passai le reste de la nuit auprès d'elle et, dès que le jour fut venu, nous informâmes mon oncle de ces inexplicables événements. Sa surprise en fut extrême, mais son orgueil, comme le mien, ne s'arrêta pas à l'idée que l'amoureux inconnu de sa fille pouvait être un esclave. La nourrice reçut ordre de ne plus quitter Marie. Et comme les séances de l'Assemblée provinciale, les soins que donnait aux principaux colons l'attitude de plus en plus menaçante des affaires coloniales et les travaux des plantations ne laissaient à mon oncle aucun loisir, il m'autorisa à accompagner sa fille dans toutes ses promenades jusqu'au jour de mon mariage, qui était fixé au 22 août. En même temps, présumant que le nouveau soupirant n'avait pu venir que du dehors, il ordonna que l'enceinte de ses domaines fût désormais gardée nuit et jour, plus sévèrement que jamais. Ces précautions prises, de concert avec mon oncle, je voulus tenter une épreuve. J'allai au pavillon de la rivière, et, réparant le désordre de la veille, je lui rendis la parure de fleurs dont j'avais coutume de l'embellir pour Marie. Quand l'heure où elle s'y retirait habituellement fut venue, je m'armai de ma carabine, chargée à balles, et je proposai à ma cousine de l'accompagner à son pavillon. La vieille nourrice nous suivit. Marie, à qui je n'avais point dit que j'avais fait disparaître les traces qui l'avaient effrayée la veille, entra la première dans le cabinet de feuillage. « Vois, Léopold, me dit-elle, mon berceau est bien dans le même état de désordre où je l'ai laissé hier. Voilà bien ton ouvrage gâté, tes fleurs arrachées, flétries. Ce qui m'étonne, ajouta-t-elle en prenant un bouquet de soucis sauvages déposé sur le banc de gazon, ce qui m'étonne, c'est que ce vilain bouquet ne se soit pas fané depuis hier. Vois, cher ami, il a l'air d'être tout fraîchement cueilli. » J'étais immobile d'étonnement et de colère. En effet, mon ouvrage du matin même était déjà détruit, et ces tristes fleurs, dont la fraîcheur étonnait ma pauvre Marie, avaient repris insolemment la place des roses que j'avais semées. « Calme-toi, me dit Marie qui vit mon agitation. Calme-toi, c'est une chose passée, cet insolent n'y reviendra sans doute plus. Mettons tout cela sous nos pieds, comme cet odieux bouquet. » Je me gardais bien de la détromper, de peur de l'alarmer. Et sans lui dire que celui qui devait, selon elle, n'y plus revenir, était déjà revenu, je la laissai fouler les soucis aux pieds, pleine d'une innocente indignation. Puis, espérant que l'heure était venue de connaître mon mystérieux rival, je la fis asseoir en silence entre sa nourrice et moi. À peine avions-nous pris place que Marie mit son doigt sur ma bouche. Quelques sons affaiblis par le vent et par le bruissement de l'eau venaient de frapper son oreille. J'écoutais. C'était le même prélude triste et lent qui, la nuit précédente, avait éveillé ma fureur. Je voulus m'élancer de mon siège. Un geste de Marie me retint. « Léopold, me dit-elle à voix basse, contiens-toi, il va peut-être chanter, et sans doute ce qu'il dira nous apprendra qui il est. » En effet, une voix dont l'harmonie avait quelque chose de mâle et de plaintif à la fois sortit un moment après du fond du bois et mêla aux notes graves de la guitare une romance espagnole dont chaque parole retentit assez profondément dans mon oreille pour que ma mémoire puisse encore aujourd'hui en retrouver presque toutes les expressions. Pourquoi me fuis-tu, Maria ? On a jugé inutile de reproduire ici en entier les paroles du chant espagnol. Por qué me huyes, Maria ? Etc. Pourquoi me fuis-tu, jeune fille ? Pourquoi cette terreur qui glace ton âme quand tu m'entends ? Je suis en effet bien formidable. Je ne sais qu'aimer, souffrir et chanter. Lorsqu'à travers les tiges élancées des cocotiers de la rivière, je vois glisser ta forme légère et pure, un éblouissement trouble ma vue. Oh, Maria, et je crois voir passer un esprit. Et si j'entends, oh, Maria, les accents enchantés qui s'échappent de ta bouche comme une mélodie, il me semble que mon cœur vient palpiter dans mon oreille et mêle un bourdonnement plaintif à ta voix harmonieuse. Hélas, ta voix est plus douce pour moi que le chant même des jeunes oiseaux qui battent de l'aile dans le ciel et qui viennent du côté de ma patrie où j'étais roi, de ma patrie où j'étais libre. Libre, et toi, jeune fille, j'oublierai tout cela pour toi. J'oublierai tout, royaume, famille, devoir, vengeance, oui, jusqu'à la vengeance. Quoique le moment soit bientôt venu de cueillir ce fruit amer et délicieux qui mûrit si tard. La voix avait chanté les stances précédentes avec des pauses fréquentes et douloureuses, mais en achevant ces derniers mots, elle avait pris un accent terrible. Oh, Maria, tu ressembles au beau palmier, svelte et doucement balancé sur sa tige, et tu te mires dans l'œil de ton jeune amant, comme le palmier dans l'eau transparente de la fontaine. Mais ne le sais-tu pas, il y a quelquefois, au fond du désert, un ouragan jaloux du bonheur de la fontaine aimée. Il accourt. Et l'air et le sable se mêlent sous le vol de ses lourdes ailes. Il enveloppe l'arbre et la source d'un tourbillon de feu. Et la fontaine se dessèche, et le palmier sent se crisper sous la laine de mort le cercle vert de ses feuilles qui avaient la majesté d'une couronne et la grâce d'une chevelure. Tremble, ô blanche fille d'Hispaniola! Nos lecteurs n'ignorent pas sans doute que c'est le premier nom donné à Saint-Domingue par Christophe Colomb, à l'époque de la découverte, en décembre 1492. Tremble, que tout ne soit bientôt plus autour de toi qu'un ouragan et qu'un désert. Alors, tu regretteras l'amour qui eût pu te conduire vers moi, comme le joyeux Kata, l'oiseau de salut, guide à travers les sables d'Afrique le voyageur à la citerne. Et pourquoi repousserais-tu mon amour, Maria ? Je suis roi, et mon front s'élève au-dessus de tous les fronts humains. Tu es blanche, et je suis noire, mais le jour a besoin de s'unir à la nuit pour enfanter l'aurore et le couchant, qui sont plus beaux que lui. Chapitre 8. Un long soupir, prolongé sur les cordes frémissantes de la guitare, accompagna ces dernières paroles. J'étais hors de moi. Roi, noir, esclave, mille idées incohérentes, éveillées par l'inexplicable chant que je venais d'entendre, tourbillonnaient dans mon cerveau. Un violent besoin d'en finir avec l'être inconnu qui osait ainsi associer le nom de Maria à des chants d'amour et de menaces s'empara de moi.